Retour à Killybegs de Sorge Chalandon avec Marc Barbet dans le rôle de Tyrone Meehan. Adaptation et réalisation Pascal Deux. Cinquième épisode. Killybegs, décembre 2006. Se sachant condamné par ses frères d'armes, Tyrone Meehan, 81 ans, républicain irlandais, membre de l'IRA depuis son plus jeune âge, se réfugie dans la maison de son enfance pour y attendre la mort. Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille et mes proches. Des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi, j'espère le silence. 28 décembre 2006. Sheila avait déposé Jack, mon fils, en voiture. Elle devait passer le reprendre une heure plus tard. Il se tenait au milieu de la pièce, en silence. Comment vas-tu ? C'est à moi que tu parles ? Tu parles à Jack Meehan, c'est ça ? Je parle à mon fils. Ton fils ? Tu veux dire que j'ai un père ? Tu as un père, oui. J'ai eu un père pendant 20 ans, puis il est mort. Non. Il est devant toi. Il ranime le feu. Arrête ça. T'es plus rien pour moi, t'entends ? Rien. T'es un traître. Tu trahis depuis 26 ans. Tu l'as avoué, 26 ans. C'est un traître qui venait me voir en prison. Tu te souviens quand je suis sorti ? Tu te rappelles ? J'étais à côté de toi dans la voiture et tu m'as dit que t'étais fier de moi. Tu te rappelles ? Fier de moi ! Fier de moi ! J'ai passé 20 ans dans les prisons de tes amis britanniques. 20 ans, merde ! Et t'es fier de moi ? Tu veux encore un peu de thé ? Tu es le traître de maman, le traître de l'Irlande, de ce qui respire autour de nous. Tu es mon traître. Tu n'as même pas le droit de vivre ici. Comment peux-tu me regarder en face, hein ? Comment fais-tu ? Je regarde mon fils. Je t'interdis. Ne prononce plus jamais ce mot. Jamais ! Attends au moins que ta mère soit là pour partir. Ma mère ? Pendant toutes ces années, elle s'est réveillée à côté d'un inconnu, ma mère. Tu sais ça ? T'entends ça ? Elle en est comme morte. J'entends. Non, t'entends rien. Tu comprends rien. Tu peux pas savoir ce que ça fait de se retrouver sans père, sans mari, sans plus rien. Mon père, c'était Tyrone Meehan, le grand Tyrone. Héros de merde, ouais. On lui avait donné notre amour, notre confiance, notre fierté. On t'a tout donné. Et tu as trahi ceux qui t'aimaient, ceux qui te protégeaient. Tu te souviens quand j'étais gamin, chaque nuit, je t'aidais à barricader notre porte d'entrée pour que ces salauds n'entrent pas dans notre maison. Et ces salauds, c'était toi. Jack. Tu sais comment il t'appelle à Belfast ? Cet homme. C'est tout. Plus personne ne prononce notre nom. Nous sommes les parents du traître. Je sais. On va faire quoi, maman et moi ? On va faire comment ? Vous allez continuer sans moi. Il n'y aura plus jamais de lumière chez nous. J'ai besoin de toi, mon fils. Je peux pas. C'est trop douloureux, c'est trop dégueulasse ce que tu nous as fait, papa. J'ai besoin de vous. Jack! Je t'aime. Il semblait ne pas comprendre. Jack! Non. Jack. À reculons, il a pris le chemin qui mène à la route. Sans un mot. Il est parti de face. Il marchait les bras écartés. Il trébuchait sans voir. Mon enfant. Mon fils. Mon petit soldat. Belfast, 14 août 1969. Les flics arrivent ! Ils sont dans le quartier ! Lâche cette brique, petit, vite ! Rentre ton père ! Il est en tôle, mon père ! Fais ce que je te dis, rentre-toi ! La police tirait des gaz lacrymogènes. Les jeunes refluaient, de plus en plus nombreux. Des centaines, désordonnés. Emmenés par quelques finats à bout de souffle. Ils venaient de lapider un bâtiment de la police et quelques véhicules blindés. Ils étaient poursuivis. Habituellement, la police arrêtait sa course au seuil du ghetto. Mais ce 14 août 1969, elle franchissait notre porte. La foule scandait le nom d'un quartier de Derry, où les nationalistes affrontaient la police depuis 4 jours. J'avais 44 ans, bras en croix au milieu de la rue. Laissez-vous ! Pour l'amour du ciel, mettez-vous à couvert ! Lyra ! Elle est où, Lyra ? Pourquoi elle défend pas notre rue ? Restez pas là, maman. Qu'est-ce que tu fous au milieu, comme ça ? Tu joues l'épouvantail ! À couvert, toi ! Ils arrivent ! Les flics sont là ! Des habitants accouraient de partout pour protéger leurs enfants. Certains avaient des manches de pioche, des crosses de hurling, des tuyaux de métal. En quelques minutes, ils ont bloqué Dalper Lane. La première barricade. Juste avant celle de Cashmere Road, plus haut. Et d'autres après, dans d'autres rues encore. Tyrone, viens par là. On tient la rue, Tyrone. On sécurise et on tient. Avec quoi ? Avec ça. Un pistolet mitrailleur, 2 carabines, 2 revolvers... Une grenade et des munitions. Mon Dieu, cache. Allez, on y va. Rentrez dans les maisons. Rentrez chez nous. Rentrez chez vous. Laissez la rue libre pour les combattants. Le cri parcourait la rue. Les gens ne refluaient plus. Ils revenaient à la charge, les poings nus. Le quartier se foutait de nos ordres. Des femmes ressortaient des maisons, leurs bébés dans les bras. Un prêtre courait des unes aux autres, ses prières à la main. Les jeunes ramassaient leurs pierres abandonnées. Une fille a jeté une bouteille enflammée de l'autre côté de la barricade. Nous n'étions que 6 volunteers, mais le ghetto nous fêtait comme une armée de libération. À quelques rues de là, le ciel était embrasé. Des maisons brûlaient dans Bombay Street. Lorsque les grenades sont tombées, la foule s'est précipitée pour étouffer la fumée. Brusquement, nous nous sommes retrouvés comme en plein jour. Le premier blindé venait de tourner le coin, un phare blanc braqué sur notre rue. Le chlore des grenades, la fumée des incendies, un brouillard opaque. J'étais agenouillé, le visage protégé par un torchon. Kina ! On évacue les civils ! Allez ! Lyra vous ordonne de vous disperser ! Lyra vous ordonne. Nous reprenions la rue. Nous allions enfin nous battre. Cela faisait des semaines que la population nous suppliait de réagir. Et nous en étions incapables. Plus désorganisés, plus isolés que jamais. La police et les loyalistes étaient maîtres dans nos rues. Depuis le début de la campagne pour les droits civiques, les catholiques étaient malmenés. Ce que nous demandions, des logements décents, un travail, ne plus être des citoyens de second rang. Un homme, un vote. L'égalité avec les protestants. Nous avions les mains nues et des banderoles de draps déchirés. Pour les Britanniques, cette colère était insurrectionnelle. Pour les loyalistes, chacune de nos plaintes était un cri de guerre. Jamais ils ne partageraient le pouvoir. Ils appelaient à la confrontation finale, la grande bataille. Ils allaient enfin chasser les papistes, nous jeter un par un de l'autre côté de la frontière. Ils avaient nettoyé leur quartier. Maintenant, ils s'attaquaient à nos bastions, nos maisons, nos écoles, nos églises. Un État protestant pour le peuple protestant, hurlaient-ils. Surprise par les tirs de Danny, la foule a reculé. Le blindé aussi. Une marche arrière stridente et le retour brusque à notre obscurité. J'ai pris la Thompson. Je me suis accroupi derrière la barricade. 20 balles. J'ai compté le restant dans mon sac. 9 autres. pas même de quoi recharger jusqu'à la garde. Ça colle pas, Tyrone. Ça colle pas, il y a quelque chose qui cloche. Quoi? C'est pas des tirs de flics, ça. Écoute, on dirait du fusil de chasse. T'as raison, c'est quoi ce bordel? C'est les loyalistes! Les flics chassent les gens et ces fumiers passent derrière! C'est les loyalistes qui nous tirent dessus! Ils brûlent les maisons! Devant nous, à deux rues, la détonation d'un pistolet. Danny s'est couché entre la charrette et un matelas. Il a tiré deux coups, puis il s'est retourné. D'un geste, il m'a indiqué l'angle de la rue derrière. Et il a positionné les autres combattants. Tire de ce monstre, les gars! On tire pas dans le tas! Tyrone, tu te couvres! Allez, les gars! On y va! Allez! Nous étions sous les pierres et les boulons d'acier. En face, ils avaient des frondes. Leurs bouteilles incendiaires frappaient nos façades. Je me suis levé. J'ai calé la Thompson contre ma hanche. Ils étaient en face, je les voyais. Ils brisaient les vitres, les portes. La police laissait faire. J'ai tiré pour tuer. 4 balles sèches, presque une rafale. Tiré dans ce tas d'ombres vives. J'ai été surpris par la violence de l'arme. Elle avait glissé contre ma cuisse, je l'ai reprise en main. De l'autre côté de la rue, nos hommes ouvraient le feu à la carabine. Danny était sur la barricade. Il visait la nuit au-dessus des têtes. Soudain, des capsules de gaz sont tombées tout autour de nous. J'ai reculé dans la fumée blanche, les yeux brûlants, la gorge écrasée, plus d'air, plus rien. Je mourais, c'est ça, mourir. Et puis le choc, un coup violent à la tempe, un autre à l'épaule. Balle au caillou, je n'ai pas su. J'ai relevé ma Thompson. J'ai voulu l'assurer contre ma hanche. J'ai toussé, j'avais du sang dans les yeux. J'ai pressé la détente, je crois. Je ne sais plus, j'ai entendu mes tirs. J'ai vu le feu de l'arme. Danny est tombé. J'étais derrière lui, à 20 mètres. J'ai tiré 3 fois et Danny est tombé en avant. Il s'est relevé. Il s'est retourné, m'a regardé bouche ouverte. Il a eu un geste. Il comprenait pas et il était stupéfait. Il a lâché son revolver. Il a porté les mains à sa poitrine. Il a glissé le long du matelas sur le ventre, heurtant le sol de son front. La lumière blanche du blindé a éclaboussé la rue. J'étais debout. Daniel était couché. Je suis tombé à genoux. Je n'avais rien. J'étais vivant. Je n'avais rien. Attention ! Tyrone, tu m'entends ? Je n'avais rien. Rien du tout. J'avais tué Danny Finley. J'avais tué Danny Finley. Le 14 août 1969, j'ai assassiné Danny Finley. C'était la fin de nous. Et aussi la fin de moi. Je suis resté presque une semaine au lit. Des finas et des hommes de la brigade de Belfast se relayaient au coin de la rue pour faire le guet. À mon chevet, jour et nuit, Jim O'Leary, un ingénieur artificier du 2e bataillon. Jim était un proche. Je ne connaissais ni la chambre, ni Liz, la dame âgée qui me soignait. Le 4e jour, j'ai su que maman, mon frère et mes sœurs avaient pris la route de l'exil. Sheila les avait emmenés chez une tante à Drogheda, de l'autre côté de la frontière. Il y avait eu des émeutes partout dans les villes. Pour la première fois depuis la guerre, Londres avait déployé l'armée britannique en Irlande du Nord. Le régiment royal du Pays de Galles a pris position dans Falls Road. Les gens du quartier offrent du thé et des biscuits aux soldats. Du thé et des biscuits ? Ils n'ont rien à voir avec des tueurs. Heureusement qu'ils sont là. Ils ont évité le pire. Sans eux, les loyalistes nous chassaient ou nous tuaient tous. Et Danny ? Il sera enterré mercredi. Bombay Street n'existe plus. Tout a brûlé. Si notre rue est intacte, c'est grâce à lui. grâce à toi. La porte s'est ouverte. C'était un officier de notre état-major. James est mis au garde à vous. Laisse-nous, Lise. Et toi aussi, O'Leary. Tout à l'heure, Tyrone. Je sais ce que tu ressens. Quand l'un des nôtres tombe, celui qui était à ses côtés se demande toujours pourquoi il est vivant. Il n'y a pas de justice dans la mort, Tyrone. Danny est tombé. Cela aurait pu être toi. Et tes questions seraient les siennes. Tu sais ce qu'il s'est passé dans Dulpur Lane ce jeudi 14 août 1969 ? J'avais tué Danny Finlay de 2 balles dans le dos. Tu ne sais pas ? Cette nuit-là, Lyra a montré qu'elle était capable de défendre un quartier, qu'il faudrait à nouveau compter sur notre résistance. J'avais tué Danny. C'était moi. Je toussais, je ne voyais rien. J'ai tiré. Mal à la tête. Vis avec le courage de Danny, pas avec sa mort. Ton combat sera ta revanche, Tyrone. L'officier m'a tendu la main. Il ne savait pas. Personne ne savait. Dans l'obscurité, dans la fumée, dans le tumulte, seuls Danny et moi étions face à face. Personne n'a vu son regard au moment de la mort. Il m'a fait un signe de la main. Un salut élégant. Cordial et fraternel. Quelque chose qui me disait vivant. Il ne saurait jamais. Tu as sauvé ton quartier, Tyrone. Danny est un martyr. Danny est un martyr de la liberté irlandaise, oui. Et toi, tu es un héros. Chose pour Danny, Tyrone. Je voulais simplement être dans la foule. Un parmi tous les autres. Porter le cercueil, c'est tout. Pendant la procession, des hommes de l'unité sont venus me voir. Leurs mains sur mon épaule. Leurs voix comme des prières. Je tremblais. Je n'ai plus cessé de trembler depuis ce jour. La foule était dense et recueillie, des centaines de regards. La femme de Danny au premier rang, Sheila, Jim, les autres. Alors je me suis approché du micro. Danny Finlay n'est pas mort. Danny Finlay n'est pas mort parce que vous êtes vivant. Danny Finlay n'est pas mort parce que lundi matin, Mary McGreevy est née dans Charles Street. Parce que mardi, Declan Common est né dans Crocker Street. Parce que ce matin même, Stephen McDevitt est né à Donville. Danny Finlay n'est pas mort. Il s'appelle Mary, Declan, Stephen. Notre revanche sera la vie de ses enfants. Nos drapeaux claquaient au pied de la tribune. Je regardais les visages radieux. J'avais tué Danny Finlay. Un an plus tard, on se retrouvait au pub Thomas Ash pour commémorer la mémoire de Danny. J'ai regardé autour de moi. Je les connaissais tous. Chaque fois que je croisais un regard, une bière se levait en hommage. Une femme habillée de rouge s'est levée. Elle a attendu que le silence se fasse. A young man was shot on the Falls Road today. The bulletins came through. To hide the truth away. Elle s'est tournée vers moi. Tous les regards aussi. C'était pour Tyrone Meehan que les habitués du Thomas H. chantaient la ballade de Danny Finlay. Mort il y avait un an, jour pour jour. Cette chanson avait été écrite une semaine après sa disparition, puis publiée dans les journaux républicains et reprise en chœur dans tout le pays. Adieu, mon ami. J'étais debout, au milieu de la grande salle, les mains le long du corps et les poings serrés. Danny Finlay avait rejoint ses héros morts. Pierce, Connolly, Thomas Dunbar, Tom Williams. J'ai senti la main de Sheila sur mon bras. Mon fils Jack était là contre moi. Tout juste 9 ans. Il me regardait. Il regardait la foule. Ma vie entière, je garderai de lui cette image de fierté. Depuis 1 an, j'étais comme mort. Mon nom avait trop circulé pour reprendre les armes. J'étais en retrait. C'était provisoire, mais nécessaire. Le jour, les casquettes se levaient sur mon passage. Les sourires, la chaleur des mots. La nuit, Danny me regardait. J'avais tenu 1 an. Je tiendrai ma vie entière. Il était trop tard pour parler. Ce soir-là, dans mon pub, le Thomas H., je me suis senti chez eux. Pas chez moi, chez eux. Pour la première fois. Entré par effraction dans la beauté des braves. Tyrone, le petit s'est endormi. On y va. Viens, mets ta veste. Jack, quoi ? J'ai traversé la salle en titubant. Sur un mur, un portrait encadré de Danny, barré d'un crêpe noir. La lumière brusque des néons éclaboussait son regard et son front. Lieutenant Daniel Danny Finlay, 1924-1969, 2e bataillon, compagnie C. Oglina Aaron. Nous sommes sortis dans la nuit. L'odeur de pluie. J'ai remonté mon col de veste. J'ai regardé la rue, les maisons basses, les fenêtres noires, les ombres lourdes qui rentraient d'ivresse. J'ai lâché la main de Jack. J'ai levé le poing et j'ai hurlé. All you young rebels, and list while I sing. For the love of one's country is a terrible thing. C'était Retour à Killybegs de Sorge Chalandon, avec Marc Barbet, Émeric Le Serre, Marc City, Mathilde Ménétrier, Patrick Autier, Martial Jacques, Béatrice Champagnier, June McGrain, Christophe Vandevelde. Merci au capitaine Basso et au personnel du camp de gendarmerie de Ben. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard et Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Frédéric Changenet. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Adaptation et réalisation, Pascal II. Retour à Killybegs est publié aux éditions Grasset. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de France Culture à la page des fictions. With the local battalion of the bold IRA, I'd read of our heroes. and I want the same. To play up my part in the patriot game. They told me how Connolly was shot in a chair. His wounds from the battle, all bleeding and bare. His fine body twisted, all battered and lame. They soon made him part of the patriot game. This island of ours has for long been half free.